C'est une vie remplie de choses, de peur de rire au quotidien. J'ai décidé de prendre ma pause pour raconter mon histoire. Là tu démarques, c'est fini. Parfois c'est dur, après t'en ris. Faudrait choisir mais tu peux pas. Quand t'as fini, on remet ça. Quand tu démarres une chansonnette, chercher les mots, la prendre par cœur et dire ce qui te prend la tête, ce qui a fait troubler ton corps. Quand tu démarres, que c'est fini, c'est la fatigue après l'envie. Tu veux choisir, mais tu peux pas. Quand t'as fini, plus jamais ça. Quand tu démarres une amourette, qu'il faut s'aimer au quotidien. Un jour on demande que ça s'arrête, on lui dit pas demain. T'as démarré un nouveau job, et au milieu t'en as bavé. Après un an, deux ans de plus, y'a ta santé qui a changé. T'as démarré un nouveau nez, et voilà qu'à peine démarré. Le nouveau nez il a 10 ans, et toi t'as perdu tes 20 ans. Quand tu démarres, que c'est fini, c'est la fatigue après l'envie. Tu veux choisir, mais tu peux pas. Quand t'as fini, plus jamais ça. C'est une vie remplie de choses, des pleurs de rire au quotidien. J'ai décidé de prendre ma pause pour vous raconter mon histoire. Là tu démarres, que c'est fini. Parfois c'est dur, après t'en ris. Faudrait choisir mais tu peux pas. Quand t'as fini on remet ça. T'en as pas fait ce que tu voulais, c'était simplement démarrer. Quand c'est fait là que tu t'ennuies, quand ça s'arrête après l'envie. T'en as bavé, là que c'est fini. C'est la fatigue après l'envie. Tu veux choisir, mais tu peux pas. Quand t'as fini, plus jamais ça. T'as démarré, là c'est fini. C'est la fatigue après l'envie. Tu veux choisir, mais tu peux pas. Quand t'as fini, plus jamais ça. T'as démarré, que c'est fini. C'est la fatigue après l'envie. Tu veux choisir, c'est la fatigue après l'envie. Mais tu peux tu pas. Tu veux choisir, mais tu peux pas. Quand t'as fini, plus jamais non, ça. Quand démarré, que c'est fini. C'est la fatigue après l'envie. Tu veux choisir, mais tu peux pas. Quand t'as fini, plus jamais ça. Quand tu verras, là que c'est fini. C'est la fatigue.